بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, le troisième cours dans l'explication des annulatifs de l'islam. Et aujourd'hui, durant ce troisième cours, on verra le troisième annulatif qu'a cité l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il nous dit الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Le troisième, c'est-à-dire le troisième annulatif, celui qui n'a pas jugé les polythéistes de mécréance, ou alors qui a douté de leur mécréance, ou alors qui a approuvé la voie sur laquelle ils sont, celui-ci aura mécru. Et donc le troisième annulatif, celui qui ne juge pas le polythéiste de mécréance, ou qui va douter de la mécréance de celui-ci, ou alors qui va approuver la voie sur laquelle il est. Celui-ci, l'individu qui fait cela, aura mécru. Et donc, quelle est l'explication de cette parole de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala? Il est important, ô chers frères, de comprendre un point essentiel, c'est que la personne qui fait cela, qui fait ce que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité, rahimahullah, cette personne aura en réalité démenti la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne aura rejeté la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a informé de la mécréance des polythéistes, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui ne va pas les juger comme tels, celui qui ne va pas voir que ceux-là sont des mécréants, celui-ci aura rejeté la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de son messager. Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Et donc, il n'y a pas d'autre religion que l'islam qui soit acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Muslim a cité dans son recueil As-Sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains, il n'y a aucun de cette communauté, c'est-à-dire la communauté à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Là, ce qui est voulu par le mot communauté, ce ne sont pas ceux qui ont répondu à son appel, ce ne sont pas les musulmans seulement, mais c'est tous ceux vers qui il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous dit, il n'y a aucun de cette communauté, juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis qui meurt, sans ayant cru en moi, sans que celui-ci ne fasse partie des gens du feu. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement que ces gens, les juifs, les chrétiens, tous ceux qui ne croient pas en lui, de cette communauté, ils sont des gens du feu. Mais il y a à notre époque un mouvement. Il y a des gens qui, ils se refusent de dire que les polythéistes sont des incroyants ou des mécréants. C'est dur, etc. Et en réalité, ces gens-là ne connaissent pas l'islam. Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué de son père, de son peuple, à cause de la mécréance. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'a. Certes, vous avez un bon exemple, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, vous avez un bon exemple chez Ibrahim, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Iz qalu li qawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Certes, donc lorsqu'ils ont dit à leur peuple, certes, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et donc ils se sont désavoués d'eux. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Cette personne qui nous dit non, il ne faut pas dire que les chrétiens sont des incroyants, nous disons à cette personne de lire le livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et c'est aussi un grand danger. Donc celui qui va approuver la voie sur laquelle ces gens sont. Et ça, on le verra tout à l'heure, incha'Allahu ta'ala. Et il y a ici un point essentiel, un point important à comprendre. C'est que nous disons, la religion juive ou la religion chrétienne, c'est de la mécréance. Les juifs et les chrétiens sont des mécréants ou des incroyants. Et ils sont éternellement dans le feu. Cette parole, elle est correcte. Cependant, il n'est pas correct de dire qu'un tel, donc tu vises un chrétien en particulier, ou un juif en particulier, et tu dis, cette personne-là qui est chrétienne, elle fait partie des gens du feu. Cette parole-là n'est pas correcte. Pourquoi ? Car tu ne sais pas. Tu ne sais pas si cette personne va mourir dans cette situation. Tu ne sais pas si cette personne va être guidée ou pas. Et donc, il est plus correct de dire, si cette personne meurt sur la pratique sur laquelle elle est actuellement, donc cette personne qui est chrétienne, elle meurt sur la pratique sur laquelle elle est actuellement, alors elle fera partie des gens du feu. Et donc, on fait la différence entre la parole qui est générale et la parole qui est spécifique. Lorsqu'on parle des juifs et des chrétiens de façon générale, nous pouvons dire « les juifs et les chrétiens sont dans le feu ». Mais lorsqu'on parle donc d'une personne de façon spécifique, non, cela n'est pas correct. Et donc, il est important de comprendre cela. Et aussi, l'auteur, rahimahullah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il nous dit, donc, comme on a vu au tout début, que celui qui ne voit pas, ou qui n'affirme pas la mécréance des incroyants, des polythéistes, celui-ci aura mécru. Mais il nous dit aussi que celui qui doute de leur mécréance a mécru. En effet, à celui qui doute de la mécréance des incroyants, cette personne aura douté de la véracité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle aura douté de la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est de la mécréance. Tu n'as pas le droit de douter quant à la mécréance des chrétiens ou des juifs. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas douté. Ils croient en Allah tabaraka wa ta'ala, en son messager, en tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent est vérité. Et les croyants ne doutent pas de cela. Et ensuite, il y a le degré le plus grave. Le degré le plus grave. Donc, ce sont donc ceux qui vont approuver. Ceux qui vont approuver la voie sur laquelle sont les incroyants. Ça, c'est grave. Il y a la différence entre celui qui va se refuser de les taxer de mécréance, celui qui va douter de leur mécréance, et celui qui va approuver leur voie. Approuver ce sur quoi ils sont. Le fait que Jésus est le Fils de Dieu, etc., etc. Celui qui approuve cela aura mécru. Et cela est grave. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « Walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim » Mais ceux qui ouvrent pleinement leur cœur à la mécréance, alors cela encourt la colère d'Allah et ils auront un châtiment douloureux, un châtiment terrible. Et donc ceux qui ouvrent pleinement leur cœur à la mécréance, ceux qui approuvent la mécréance, et ça c'est grave. Et certes, parmi les méthodes utilisées pour approuver la mécréance, il y a ce qu'on appelle « Ad-da'watu ila wahdatil adyan » l'appel à l'union des religions. L'appel à l'union des religions. Comme on peut le voir dans certaines mosquées, les juifs, les chrétiens, les musulmans, tous ensemble. Ils nous disent donc que ce sont des religions célestes. Des religions célestes. Et des religions qui sont correctes. Ceci est de la mécréance. La religion juive ne vient pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. La religion chrétienne ne vient pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les chrétiens, c'est eux qui se sont appelés comme tels. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il nous dit « Alladhina qalu inna nasara » Ceux qui ont dit « Certes, nous sommes chrétiens. » Ce n'est pas Allah qui les a appelés comme ça, mais c'est eux qui se sont appelés comme tels. Et la religion juive qui est basée sur une origine, l'origine juive. Et donc, on fait la distinction. On ne peut pas dire que ces religions viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. La seule religion agréée par Allah azza wa jal, c'est l'islam. Et le fait de dire que ces religions sont des religions ibrahimiques ou abrahimiques, comme ils disent, ceci est un mensonge sur Ibrahim alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Mais kana Ibrahimu yahoudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima » Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien. Cependant, il était donc musulman, soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, en lui accordant un culte exclusif, Hanifan. Et aussi, ils nous disent donc, il ne faut pas les appeler kuffar, il ne faut pas dire que ce sont des incroyants ou des mécréants, en parlant des juifs et des chrétiens, parce que c'est dur. Alors nous disons, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a attribué la mécréance à ces gens-là, aux juifs et aux chrétiens. Et il les a appelés mécréants dans son livre, tabaraka wa ta'ala. Et donc, nous devons nous soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal qui nous dit dans son livre, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas au croyant ni à la croyante lorsqu'Allah et son messager donc jugent d'un sujet, lorsqu'Allah et son messager décrètent un sujet, il ne leur appartient pas donc au croyant et à la croyante d'avoir le choix en cela. Tu n'es pas dans un supermarché où tu viens choisir ce que tu prends. Tu es soumis à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça l'islam. Tu n'es pas dans un supermarché, ah ça je prends, ça je prends pas, ah promotion ici, pas mal. Non. C'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un sujet sérieux, on ne rigole pas avec ça. Et aussi un point important à prendre en considération, c'est que une personne qui fait cela, une personne qui va donc qui ne va pas affirmer la mécréance de l'incroyant, ou qui va douter de sa mécréance, ou qui va approuver la voie sur laquelle ce mécréant est. Nous ne pouvons attribuer, nous ne pouvons appliquer le jugement de mécréance sur cette personne qu'après certaines étapes bien précises. Nous ne pouvons pas donc taxer cette personne de mécréance par précipitation. Et ce n'est pas n'importe qui fait cela. Attention, comme je l'ai dit auparavant, lorsque nous étudions les annulatifs de l'islam, ce n'est pas pour courir dans les rues chercher qui est musulman, qui n'est pas musulman, mais c'est pour nous afin de nous préserver de tomber dans les actes qui nous font sortir de l'islam. Et donc la personne qui tombe dans un de ces annulatifs, nous ne pouvons donc appliquer le jugement sur elle, c'est-à-dire le fait de taxer cette personne de mécréance, nous ne pouvons le faire avant d'avoir établi la preuve sur la personne. Ça veut dire quoi établir la preuve? Ça veut dire s'assurer que toutes les conditions sont réunies et s'assurer que les empêchements ne sont pas présents. Il y a deux éléments. Nous devons nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour appliquer la mécréance sur une personne. Et nous devons nous assurer que tous les empêchements, tout ce qui va empêcher qu'on applique le jugement, et donc nous devons nous assurer que tous les empêchements donc soient évités, qu'ils ne soient pas présents. Et donc quand on parle des conditions, qu'il faut que les conditions soient réunies, il faut, donc on parle ici de la science et de l'intention. On doit s'assurer que la personne sache que ceci est interdit, que ceci fait sortir de l'islam. On doit s'assurer de l'intention de la personne, car il se peut qu'une personne prononce une parole sans en avoir l'intention, un lapsus. Une personne prononce une parole de mécréance où elle te montre qu'elle approuve la voix des incroyants, mais qu'elle n'avait pas l'intention de dire cela. Tu dois donc t'assurer que la personne, elle voulait bien dire cela. Et aussi les empêchements, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas là. Le premier élément qui va empêcher l'application du jugement de mécréance sur la personne, c'est l'ignorance. Si cette personne est ignorante du jugement, tu ne peux pas appliquer ce jugement sur elle. La personne est ignorante que cela La personne ignore que cela fait sortir de l'islam. Tu ne peux pas appliquer ce jugement sur elle, il faut l'informer. Si la personne a une mauvaise compréhension du verset ou du hadith, tu ne peux pas appliquer ce jugement sur elle. Il faut l'enseigner. Si la personne s'est trompée, elle a fait une erreur, tu ne peux pas appliquer ce jugement sur elle. Si la personne est forcée, elle ikra, tu ne peux pas appliquer ce jugement sur elle car elle est forcée. Et donc ces éléments que je viens de citer empêchent l'application du jugement de mécréance sur un individu. Et donc, lorsque une personne tombe dans un annulatif de l'islam, il est important de savoir que ce n'est pas n'importe qui applique le jugement de mécréance sur cette personne qui est tombée dans l'annulatif, premièrement. Deuxièmement, nous n'appliquons ce jugement sur la personne qu'après avoir établi la preuve sur elle, c'est-à-dire après avoir vérifié que toutes les conditions soient réunies et qu'il n'y ait aucun empêchement d'application du jugement. Et parmi les preuves qui nous montrent cela, nous avons le hadith dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait de cet homme qui s'était fait injustice à lui-même par les péchés. Et avant de mourir, il a demandé à ses enfants, « Après ma mort, alors brûlez-moi, puis vous devez m'émietter, puis vous devez donc laisser ma cendre dans le vent, la propager dans le vent, dans l'eau, etc. Car certes, si Allah, tabaraka wa ta'ala, a la capacité, arrive, si Allah arrive à me ramener à la vie, il va me châtier d'un châtiment qu'il n'a accordé à personne auparavant. Et donc cette personne a douté de la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne pensait que en faisant tout cela, cela allait permettre donc d'éviter qu'Allah le ressuscite. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a ressuscité. Et au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala qui demande à cette personne, mais hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et il dit, khashiyataka ya Rab, le fait que j'ai eu peur de toi, ô Seigneur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne fut pardonnée. Et donc, cette personne était ignorante. Elle est tombée dans un acte de mécréance. Elle a douté de la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci, c'est de la mécréance. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a pardonné. Pourquoi ? L'ignorance. L'ignorance, donc, a empêché l'application du jugement de mécréance sur cet individu. Nous avons aussi dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite la situation de l'homme qui est tellement heureux. Celui qui était dans le désert avec sa monture, il y avait la nourriture et la boisson sur sa monture. Puis, sa monture a disparu, elle s'en est allée. Alors, cet homme, il s'attendait à la mort. Il se disait que ça, c'est bon, c'est fini pour lui. Alors, il s'est installé et attendait la mort. Et c'est alors que sa monture s'est retrouvée devant lui. Alors, il a saisi sa monture et tellement il était joyeux, il a dit, « Oh Seigneur, Allahumma, oh Seigneur, Anta abdi wa ana rabbuk, ô Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il dit ça à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une parole de mécréance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé tellement il était heureux. Et donc le fait de se tromper, le fait de ne pas dire ce que tu voulais dire, c'est quelque chose qui empêche l'application du jugement de mécréance. Et donc, il se peut qu'une personne vienne à toi et que la personne, elle te dit, La personne vient à toi pour te dire « Ah, quelle belle religion que l'islam !» Mais la personne, elle se trompe, elle te dit « Ah, quelle belle religion que la religion chrétienne !» Et toi, tout de suite, tu la traites de mécréance. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans la précipitation. Barakallahu fikoum. Et aussi, concernant celui qui est forcé, il se peut que la personne soit forcée. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Celui qui mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui a été forcé, alors que son cœur est apaisé par la foi, mais cependant, celui ou ceux qui ont pleinement ouvert leur cœur à la mécréance, alors ceux-là encourent la colère d'Allah et auront un châtiment terrible. Et donc on comprend clairement dans ce verset que celui qui est forcé, donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait exception ici dans ce verset de celui qui est forcé, mais que son cœur est apaisé par la foi. Mais celui qui est châché, c'est celui qui a ouvert son cœur à la foi. Celui qui a ouvert son cœur à la mécréance. C'est lui qui est châtié. Celui qui approuve la mécréance. Mais celui qui est forcé, non. Al-Barawi rahimahullah. Il nous cite dans son tafsir que ce qui est voulu ici, il nous cite dans son tafsir que ce verset a été révélé par la cause de Ammar. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma. Ammar, dont son père et sa mère ont été capturés par les polythéistes. Ils ont été tués. Ce sont les deux premiers individus qui ont été tués par la cause, pas parce qu'ils étaient musulmans. Et donc, ces gens-là, ils ont souffert. Et Ammar, il a été capturé. Ils l'ont enfermé dans un puits. Et lui ont dit, tu vas mécroire en Mohammed. Ils avaient déjà tué son père, sa mère. Alors, il a prononcé ce qu'il voulait. L'information parvint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit que Ammar avait mécru. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Kalla, non, inna Ammaran. » مَلِئَ إِمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ. Il a dit non. Ammar est rempli de la foi, de la tête jusqu'aux pieds. وَاخْتَلَطَ الْإِيمَانُ فِي لَحْمِهِ وَدَمِهِ. Et certes, la foi s'est mélangée à sa chair et son sang. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cela. Et Ammar, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Le prophète, il lui dit, « Mais wara'ak, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui dit, « Sharran, un mal, ô messager d'Allah. » Alors il lui dit, « J'ai parlé sur toi, ô messager d'Allah. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, « Wa kayfa wajadta qalbak ? » Comment as-tu trouvé ton cœur ? Comment il était lorsque tu parlais sur moi ? Il a dit « Mutma'innan bil iman ». J'ai trouvé mon cœur qui était apaisé par la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé les larmes qui coulaient de ses yeux en lui disant « S'ils reviennent vers toi en te demandant de mécroire en moi, alors refais la même chose. » Car ici, cet homme, Ammar radiallahu anhuma, il était excusé, il était forcé. Et attention, ce n'est pas comme on peut voir aujourd'hui. Attention, quelques heures de garde à vue, monsieur. Non, ici, tu n'es pas excusé. Une personne qui est forcée, c'est une personne dont sa vie est menacée. Ou la vie de ses proches. Si tu ne fais pas ça, on tue tes enfants, on tue ton épouse, etc. À ce moment-là, la personne est excusée. Et donc ça, c'est important. Il est important de comprendre cela, que nous ne pouvons pas nous précipiter à appliquer le jugement sur une personne donc qui est tombé dans un des annulatifs de l'islam. Et aussi les Khawarij, il est important de savoir que les Takfiri, les Khawarij, ils vont donc taxer les gouverneurs de mécréance. Puis, après cela, ils vont appliquer cette règle. Ils vont nous dire, celui qui ne juge pas le mécréant de mécréance est lui aussi mécréant. Et donc, ils vont te dire, si tu ne taxes pas le gouverneur de mécréant, donc le gouverneur de tel pays musulman, si tu ne taxes pas de mécréant, alors toi aussi, tu es un mécréant, car tu n'as pas appliqué cette règle. Et en réalité, celui qui ne taxe pas les pécheurs parmi les gouverneurs, celui qui ne les taxe pas de mécréance, il n'a pas démenti, il n'a pas rejeté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il a rejeté la parole des Khawarij. Car ceci n'est pas la bonne compréhension du Coran. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas taxé les gouverneurs de mécréance à l'absolu comme cela. Et certes, nous allons voir cela, incha'Allah ta'ala. Mais en attendant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'a été rapporté d'aucun des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont approuvé la voie sur laquelle sont les Khawarij, les Takfiri. Et donc leur voie est caduque. Aucun des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était sur cette voie. Et pour finir, il y a un point essentiel, une règle importante. La yukaffaru man lam yukaffir man waqa'a fi mas'alatin ikhtilafiyya. Ça, c'est très important. On ne juge pas de mécréance une personne qui ne voit pas la mécréance d'une autre personne qui est tombé dans un sujet de divergence. Je vous donne un exemple pour comprendre cette règle. Un sujet de divergence parmi les ulémas, celui qui délaisse la salat. Celui qui délaisse la salat, donc dans le madhhab del Hanabila, cette personne aura mécru. Chez El Jumhur, cette personne n'a pas mécru, elle n'est pas sortie de l'islam. Et donc, aujourd'hui, il y a une personne qui a délaissé la prière. Il y a une autre personne qui vient et qui te dit, moi je vois que lui il est quand même musulman, il ne prie pas mais il est musulman. Et toi tu dis, non, il n'est pas musulman parce qu'il ne prie pas. Et donc le numéro 1, celui qui ne prie pas, tu l'as taxé de mécréant, le numéro 1. Le numéro 2, il prie, mais il voit que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant, il est encore musulman. Tu n'as pas le droit de taxer le numéro 2 de mécréance en disant, ah, tu n'as pas jugé, le mécréant de mécréance. Non, cette règle s'applique sur des sujets d'unanimité. Sur des personnes qui ont de la mécréance claire. Pas des sujets de divergence. Il faut bien faire attention, barakallahu fikum, et comme je l'ai dit précédemment, et comme je l'ai répété plusieurs fois, et inshallah, je vais continuer à le répéter, lorsque nous étudions ce genre de choses, nous ne le faisons pas pour nous précipiter à taxer les gens de mécréance, mais nous le faisons pour nous, tout d'abord, pour nous préserver de tomber dans des actes de mécréance. Barakallahu fikum. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً